À deux, on faisait la paire, on a commencé nos locks ensemble. On disait qu'il y avait pire, qu'on pouvait pas pleurer sur notre sort. Si tu ligotais ma peur, le manque d'argent noir c'est mon cœur. Si tu veux, bah tu le peux, y'a que les faibles qui arrivent à se rendre. Midi pile, c'est le coup d'envoi. 18h, c'est la mi-temps. Nouveau guetteur, nouvelle recharge. Après 20h, les cubes de nuit débarquent. Sa mère, c'est Dieu qui veut, c'est pas ma faute. J'suis obligé de me lever tôt et de reposer toutes les 12 heures. J'ai plus que le terrain tourne, comment tu veux qu'il pense à autre chose? Transaction à se vendre, la moula compte des billets verts. Dis, j'en récupère 1000, le carré VIP est rempli de fils. J'crois que j'ai percé, j'baisse des darons, dis du zippie. J'ai pas encore trinqué, j'ai pas encore réussi. Encore 5 ou 6 millions, j'supprime tout, j'm'arrache d'ici. Elle veut passer l'été à venir, je suis dans le bénéfice, j'encaisse les billets. Rouro, platine, million de vues, on changera pas. Je suis dans le bus, j'ai laissé place à Rosa Parks. 12 coups, je te parle pas de l'heure. 12 grammes, j'ai parlé à l'heure. Je suis broliqué, je suis à nos portiers. J'ai fleuri parmi les orties. Évidemment que j'ai la main verte. C'est qu'il de bœuf, j'ai fait partir. Elle veut une histoire romantique. Je voulais que la prendre dans le vin. Hautement piqué, avion, je regarde par le hublot. J'ai pas quitté la zone, mon bac n'est pas plus beau. Elle se évry dans le bâtiment, everyday. Mais je te chie, moula, pas besoin d'être. Ils sont mauvais, ils veulent ma mort, ils font pas peur, c'est des salopes. Je les fais danser, taper, je sors de l'oracle, je donne à ma mère. Ma Celia ne tient pas en poche, mais ma S ne roule pas en Porsche. J'suis débranché, j'ai plus mon Fantel. Aux arrivants, loin de mes proches. J'suis le terrain de matin. J'suis le terrain de matin. J'passe les beaux heures du matin. Y'a les feux que du matin.